Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors, avec le magazine juridique habituel. Bonsoir Michel. Bonjour Nancy. Aujourd'hui, tu avais choisi le sujet déjà depuis le mois dernier. Oui. C'est-à-dire parler un petit peu des relations de travail et en particulier du harcèlement moral dans l'entreprise. C'est peut-être ça. Peut-être pas seulement, je sais pas. J'avais pensé d'évoquer à la fois le harcèlement moral au travail, qui est un fléau aujourd'hui et qui dégrade considérablement les relations du travail, et également le harcèlement sexuel. On en parle moins. Les langues se sont déliées avec certains mouvements récents, on va dire, en tout cas depuis un an et demi ou deux. Mais je pense que c'est bien de faire le parallèle entre harcèlement moral et harcèlement sexuel au travail. En sachant qu'on a quand même l'impression que le harcèlement sexuel, qui est beaucoup moins fréquent que le harcèlement moral, cache un peu. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, non ? Alors, le harcèlement sexuel est souvent, dénoncé par la voie pénale, moins devant le conseil de prud'homme. Il faut savoir que tant le harcèlement moral que le harcèlement sexuel sont, deux fléaux qui sont réprimés à la fois par le code du travail et par le code pénal. Donc, les modes ensuite de sanctions et les modes de répression par la suite sont un petit peu différents. C'est vrai que le harcèlement moral, on a tendance, bien évidemment, à aller d'abord devant le conseil de prud'homme. Et on peut également porter plainte au pénal. Le harcèlement sexuel, on ira peut-être d'abord au pénal. Et ensuite, si ça se passe pendant le travail, saisir le conseil de prud'homme. Donc c'est un petit peu... C'est deux volets un peu distincts, sauf que les dégradations Sauf que c'est majoritairement les femmes qui en sont victimes. Alors, le harcèlement sexuel, oui, on a des statistiques, effectivement, sont surtout les femmes qui en sont victimes. Mais le harcèlement moral, non, c'est à la fois les hommes et les femmes. Il n'y a pas de distinction par rapport à... Je crois majoritairement, enfin, ma vieille expérience me fait dire qu'à 75%, c'était quand même la plupart du temps des femmes dans le milieu de travail qui étaient le plus souvent... fragilisé par le harcèlement moral. Alors, autant j'ai des statistiques sur le harcèlement sexuel, autant le harcèlement moral, j'ai pas de statistiques. C'est ça, justement. Et j'ai l'impression que les hommes sont aussi touchés. Peut-être en parlent moins, peut-être on le dénonce moins, mais le harcèlement moral, il touche tout le monde. Et on le verra, ça peut être du harcèlement moral ascendant, descendant, je vais expliquer ce que c'est, ou bien horizontal, c'est-à-dire que ça peut être l'employeur ou des dirigeants ou un supérieur qui, bien évidemment, harcèle un subordonné. Mais ça peut être aussi un subordonné, alors c'est plus rare, bien sûr, mais qui procède au harcèlement d'un supérieur. Et puis, ça peut être entre collègues. Ça peut être horizontal, c'est-à-dire que ça peut être au même niveau, au même échelon dans l'entreprise. Et ça peut être aussi collectif, c'est-à-dire qu'on appelle ça du harcèlement de meute. Ça peut être, à un moment donné, un individu, un salarié qui se retrouve harcelé par un collectif, par un certain nombre d'autres collègues supérieurs. Enfin, donc c'est assez complexe. C'est divers et varié. Voilà, il faut, je pense, pour pouvoir le combattre, il faut déjà savoir le décrypter. Il y a deux phases, c'est-à-dire qu'il faut d'abord voir, examiner, analyser et décrypter les phénomènes potentiel ou avéré de harcèlement pour ensuite pouvoir, bien évidemment, les combattre. Et j'irais même aller plus loin. L'idéal, c'est de prévenir. Et il y a un certain nombre de moyens qui sont à la disposition, notamment de l'employeur, mais aussi des instances représentatives du personnel pour prévenir. Parce que le but, c'est ça. C'est d'éradiquer le fléau par la prévention. Bien sûr. Mais est-ce que la prévention est possible ? Parce que l'entreprise, par exemple... Parce que ça se passe souvent, la plupart du temps, dans l'entreprise. Hein, il peut y avoir des problèmes aussi dans la famille, forcément, hein, puisque ça peut être une entreprise familiale. Dans l'intérieur d'une entreprise familiale, ça se voit de temps en temps aussi. Oui. Mais justement que les motivations sont d'abord et avant tout économiques, non ? Alors, il y a plein de choses. Déjà, il y a le problème de savoir qu'est-ce qu'on met derrière le terme prévention. Et paradoxalement, je vais parler en juriste, le Code du travail ne définit pas c'est bizarre, mais c'est comme ça, le terme de prévention. Pour savoir ce qu'est la prévention, il faut se référer à une directive. Directive communautaire du 12 juin 89, qui a été modifiée successivement, notamment en 2007, et qui dit que la prévention, la notion de prévention, comprend, donc je lis, l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l'activité de l'entreprise en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels. C'est important, je pense, de rappeler cette définition qui, encore une fois, ne figure pas dans le Code du travail, pour expliquer quelle est l'étendue de cette prévention. Donc, ensemble des dispositions ou mesures prises ou prévues à tous les stades de l'activité de l'entreprise. Donc, c'est très large. Et en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels. Donc, ça, c'est déjà un cadre que l'employeur peut, respecter. Et dans le Code du travail, il est quand même dit que l'employeur doit éviter toute altération. Alors après, effectivement, il y a une série de mesures qui sont prises, mais là, c'est la déclinaison, je dirais, de la notion de prévention. Donc on a déjà l'obligation de mettre en place un document unique. Ça existe depuis 2000 ans. L'obligation du document unique en vue d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Donc ça, c'est fondamental, parce que santé et sécurité, on verra, je reprendrai peut-être la définition du harcèlement moral pour qu'on comprenne mieux, avant de parler de la prévention, c'est-à-dire que tout ce qui est risque pour la santé ou la sécurité, encore une fois, l'employeur doit donc établir ce document unique. Il peut agir également par le biais du règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est aussi un outil qui est important, sous réserve de le faire vivre. C'est pas la peine de faire un beau règlement intérieur, de le laisser même affiché ou dans un coin, un tiroir. Il faut véritablement le modifier, le faire vivre. On peut aussi passer par des notes de service, de l'information, de la documentation, de la formation, et puis aussi des chartes de référence qui, dans l'entreprise, engagent également à la fois l'employeur et les salariés. Peut-être on reviendra. La plupart des règlements intérieurs parlent de prévention des risques psychosociaux. Tout à fait. Mais pour autant, est-ce appliqué ? C'est-à-dire que quand c'est dans le règlement intérieur, ça permet aussi de donner une base juridique s'il y a une sanction d'un harceleur. Puisqu'il y a le contrat de travail, il y a la convention collective, il y a tous les textes de loi, mais il y a aussi dans le règlement intérieur une sensibilisation des salariés pour justement éviter ce type de comportement et ses dérives. Mais peut-être, je ne sais pas si je parle tout de suite du rôle par exemple de l'inspecteur du travail, du rôle du médecin du travail, ou si on prend la définition peut-être d'abord. Voilà, si tu veux bien redéfinir un peu tout ça. Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sont tous les deux situés donc dans le Code du travail, dans la partie législative, dans la première partie sur les relations individuelles du travail, dans le livre premier qui s'appelle « Dispositions préliminaires » et le titre 5 qui est entièrement consacré au harcèlement au pluriel. Ce qui est commun aux deux harcèlements, c'est le respect de la dignité de la personne. Ça, c'est vraiment fondamental quand on a compris ça, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une atteinte au respect de la dignité de la personne, on se pose la question de savoir si c'est du harcèlement. Alors, ça peut être aussi de la discrimination. Et souvent, il y a des notions comme ça, connexes. Le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral aboutissent parfois, évidemment, à la discrimination. Mais une discrimination dans le milieu du travail n'est pas forcément du harcèlement. Ça marche dans un sens et pas dans l'autre. C'est pour ça qu'il faut être assez prudent. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, il ne faut pas le confondre avec le harcèlement sexiste, puisqu'il y a eu tout un arsenal récent d'ailleurs, puisque ça ressort de l'outrage sexiste qui a été consacré par la loi du 3 août 2018, qui a été codifié à l'article 621-1. C'est un petit peu rébarbatif ce que je vous dis, mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même des sexiste, textes. C'est-à-dire c'est des vexations par rapport à l'état d'être femme, par exemple. Là, c'est une forme de harcèlement discriminatoire, mais en raison du genre sexuel de la victime. Donc c'est différent. Le harcèlement sexiste est différent du harcèlement sexuel. Donc je vous donnerai la définition. Parce que le harcèlement moral et le harcèlement sexuel donc, sont prévus par les articles 1152-1 et 1153-1 du Code du travail. En parallèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Code pénal qui réprime le harcèlement moral à l'article 222-33-2 et le harcèlement sexuel à l'article 222-33. Sachant que les définitions, je pourrais les lire, sont sensiblement les mêmes. Donc, quelque part, à partir du moment où on a décrypté, on a analysé une situation tant de harcèlement moral que de harcèlement sexuel, on peut dérouler l'arsenal juridique du Code du travail et du Code pénal, puisqu'en réalité, les définitions sont les mêmes. Alors, juste une définition de base, peut-être, le harcèlement moral, c'est donc... Le harcèlement moral est donc encore une fois défini donc par le Code du travail, au terme duquel aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. J'insiste parce que là aussi tout est dit dans la définition, c'est-à-dire qu'on parle d'agissements répétés. Ça nous donne une piste. Un comportement unique, isolé, ne peut pas être considéré comme du harcèlement. C'est-à-dire qu'il faut au moins deux agissements hein, pour que ce soit répété. Donc ça, c'est important. Qui ont pour objet, c'est-à-dire véritablement le but est de dégrader les conditions de travail du salarié ou pour effet. C'est-à-dire qu'on verra que même si ce n'est pas le but, mais que c'est la conséquence, si ce sont les effets, ça peut être aussi du harcèlement moral. Qu'est-ce qui est également pris en compte ? La dégradation des conditions de travail. Donc là, la dégradation des conditions de travail, c'est un terme assez large, dès lors qu'on ne se sent plus bien au travail. Mais, poursuit la définition, susceptible de porter atteinte à ses droits, là aussi c'est très large, à sa dignité, on revient aux dignités, à la dignité, au respect de la dignité donc de la personne, d'altérer sa santé physique ou mentale, donc il y a bien les deux pris en compte dans la définition, ou de compromettre son avenir professionnel. Et ce dernier terme, on l'oublie souvent. Compromettre l'avenir professionnel, c'est également faire en sorte que la personne ne soit pas obligée de démissionner tellement la pression est forte, parce que ça veut dire que là, à ce moment-là, son avenir professionnel est largement compromis. Ensuite, sur le harcèlement sexuel, donc le harcèlement sexuel est caractérisé par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétée, on retrouve la notion de répétition, qui soit porte atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc dans ce premier alinéa de l'article 153-1, on voit que finalement, la définition, il faut aussi des agissements répétés et c'est dégradant, humiliant ou ça porte atteinte. C'est-à-dire que s'il y a une agression sexuelle unique, c'est plutôt du côté pénal qu'il faut rechercher. Alors là, voilà, s'il y a une agression, mais il y a un alinéa 2. Et j'allais y venir, l'alinéa 2 qui nous dit « Par ailleurs est assimilé à un harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers. » Donc il y a une petite subtilité dans le harcèlement sexuel, enfin dans l'article qui réprime le harcèlement sexuel dans le Code du travail, c'est qu'une pression, c'est ce qu'on appelait la promotion canapé, hein, régulièrement, c'est-à-dire une demande d'actes sexuels ou obtenir un acte de nature sexuelle au sens large, dans le but soit au profit de l'auteur, donc celui qui veut véritablement profiter, soit d'un tiers, c'est-à-dire ça peut être aussi une demande pour un gros client, par exemple, on demande à une personne de venir un week-end, d'assister à un dîner et d'aller plus loin s'il le faut pour décrocher un contrat. Je caricature, mais ça peut être ça. Donc là, c'est l'alinéa 2 de l'article 153-1, et là, il n'y a pas besoin d'actes répétés, un seul acte suffit. C'est un peu la particularité du harcèlement sexuel. Donc voilà, une fois qu'on part des définitions, je pense qu'elles sont quand même relativement, exhaustives et elles parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut rattacher les comportements qu'on peut étudier ou constater ou qui peuvent être relatés dans le cadre de cette définition. Et après, on fait la passerelle et on voit si c'est du harcèlement moral ou sexuel. Et ensuite, on passe effectivement à la répression pour combattre ce fléau. Alors, la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est comme tout. Est-ce qu'on a un temps soit peu. Alors, vas-y, je te laisse parler. La réalité du terrain, c'est que le harcèlement moral a connu une expansion assez importante jusqu'à la promulgation de cette loi. Hein, de cette loi donc, qui date de 2002. Hein, cependant, j'ai l'impression qu'après, on a plutôt dissimulé la réalité, les chiffres du harcèlement moral, parce qu'il a continué, mais il était beaucoup plus, j'allais dire, scientifique, par certains côtés, beaucoup plus sournois, mais tout aussi opérant, si on peut dire, hein, d'autant plus que je me souviens d'une émission à France Inter qui disait, en gros, qu'il y avait des stages de DRH, de RRH, dans les entreprises, hein, des ressources humaines, pour démontrer comment qu'on pouvait casser quelqu'un en le harcelant, sans pour autant s'y reprendre, quoi. Alors là, tu parles du harcèlement moral qu'on appelle institutionnel, organisationnel. Voilà. Alors j'allais y venir par rapport au procès France Télécom. Voilà. Le procès France Télécom, il s'est tenu donc du 6 mai au 11 juillet 2019, je ne sais pas si les auditeurs s'en souviennent. Ça s'est passé devant la 31e chambre correctionnelle du TGI à l'époque, hein, on l'appelait tribunal de grande instance depuis le 1er janvier. Là, on était sur le plan pénal. Judiciaire. Là, on était sur le plan pénal, puisqu'on parle de harcèlement moral institutionnel. C'est véritablement un mode d'organisation de l'entreprise qui fait qu'on casse, effectivement, comme tu disais, les gens. On leur donne de moins en moins de responsabilités, on leur donne de plus en plus d'exigences à accomplir sans leur donner les moyens. Et ça aboutit malheureusement à des suicides, hein, en série chez France Télécom et des gens qui ont été véritablement... on va dire, en dépression, en burn-out, et donc avec des conséquences dramatiques. Donc le jugement, on l'a eu le 20 décembre 2019, et la conséquence en pénal, c'est qu'il y a eu un mois d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis pour les 3 prévenus. Les 3 prévenus, c'était les anciens dirigeants et la DRH, le DRH. 15 000 euros d'amende et condamnation aussi de la personne morale. C'est la particularité aussi dans ce cadre-là, au niveau pénal, c'est que la personne morale, donc France Télécom, devenue Orange en 2013, a été condamnée à 75 000 euros d'amende. Et ça a permis à la Chambre sociale également de la Cour de cassation, je dirais, d'appuyer quelque chose qu'elle avait déjà, elle, tranché en juin 2017, donc 2 ans auparavant, le 15 juin 2017, dans un arrêt, donc, enfin, peu importe, on peut le retrouver sur Internet facilement, il a été publié, où là, elle a carrément utilisé le terme de harcèlement moral managérial ou organisationnel ou institutionnel. Et là, ça a été quelque chose qui a été un peu une révolution, c'est-à-dire que on considérait que finalement le harcèlement ne pouvait venir que d'une personne envers une autre ou d'un d'une personne envers plusieurs personnes. Là aujourd'hui, on a vraiment parce reconnu ce harcèlement institutionnel. À l'époque des faits, on était avant la loi de 2002. C'est ça. Les faits ont duré plusieurs années avant que évidemment la justice soit saisie et que ça prospère. Il a fallu des drames pour que véritablement la justice s'en saisisse. Et caractérise ce harcèlement particulier, qui est un harcèlement qui est particulièrement insidieux, puisque chacun a l'impression de faire bien son travail. C'est-à-dire que le N plus 1, le N plus 2, a la pression de sa hiérarchie, de son supérieur, et c'est en toute bonne foi, parfois, qu'il faut mettre en place des mesures qui cassent véritablement. Et puis, comme c'est pyramidal, personne n'ose parler, personne n'ose agir. C'est de plus en plus contraignant, c'est de plus en plus jusqu'à des catastrophes et des drames humains, comme on l'a vu. Bon, là, Orange a été épinglé. Il n'y a pas qu'Orange, hein, faut pas se leurrer. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui, à un moment donné... Alors, leur but, il faudra interroger les dirigeants, parce que est-ce que c'est pour de la rentabilité? Est-ce que c'est... ils sont convaincus que c'est comme ça que ça va fonctionner et que de toute façon ils y retrouvent quelque part un bénéfice. Au passage, ça fait des dommages collatéraux très très graves avec des salariés qui sont en souffrance. En fait, c'était surtout supprimer des emplois à l'époque. Le but était économique. Au départ, ça devait être ça, mais je crois que ça a dépassé cette ampleur-là, puisque finalement, supprimer des emplois, oui, ça veut dire qu'on attendait que les gens sautent par la fenêtre pour faire, au lieu d'un licenciement économique. Enfin, je pense que ça a dépassé ça. Oui. Ça a devenu une méthode perverse, une méthode insidieuse. Et je dirais que la machine a été véritablement... Enfin, c'est auto-alimenté. Au départ, peut-être qu'il y avait simplement un dégraissage prévu. Mais après, c'est devenu véritablement une gangrène et un mode de fonctionnement pervers. Surtout, la manière de se débarrasser du personnel, à moindre coût. Ah ben là, c'est clair, oui. C'est sûr que si on se suicide en sautant par la fenêtre, ça va très vite. Hein, mais, là... Ou bien même des personnes démissionnaient, d'autres, parce que bien sûr, les cas les plus spectaculaires ont été... ont été retenus par les médias puis la justice, hein, indirectement. Mais c'est vrai que le dégraissage au niveau de France Télécom était très important dans toute cette période. Oui, bien sûr. Hein, des bien effectifs. Sûr. Alors, bien sûr, il y a les départs en retraite. Il n'y avait pas que ça. Bien que sûr. Ça, il y a des mutations aussi sur d'autres. Hein, parce que c'est la plupart du temps, à cette époque encore, c'était des fonctionnaires dont il fallait se débarrasser puisqu'on privatisait aussi l'entreprise. Oui, il y avait des changements, des mutations, effectivement. Changement de statut, changement de toutes sortes. Et puis surtout, changement de site, c'est-à-dire un regroupement des moyens France Télécom. J'ai bien connu ça. Regroupement des moyens. Et puis souvent, les personnes étaient surtout déboussolées. J'aurais pu peut-être amener des témoins par le fait qu'ils étaient mutés du jour au lendemain, d'une place à l'autre. Ils ne savaient même plus qui était leur supérieur hiérarchique ou quoi que ce soit. Quoi. C'était véritablement des changements de fonction radicales, c'était des changements de site, c'était des changements de hiérarchie qui dépoussolait complètement les gens. Et puis il y avait des cadences infernales, je pense plutôt aux plateformes quand ça a été Orange. Oula. Donc là, la plateforme. C'est pour ça qu'on les exportait. Les téléstandardistes. Et qu'aujourd'hui, on est harcelé au téléphone. Elles étaient dans une obligation de résultat. Elles étaient véritablement pressurisées. Alors, il ou elle, je dis elle, parce qu'il y avait beaucoup de téléconseillères. Et c'est vrai que ça aboutit à des catastrophes. Mais je voulais juste signaler que le harcèlement collectif, n'a pas été reconnu tout de suite dans la jurisprudence. Non. Il a fallu attendre l'arrêt de principe du 10 novembre 2009 de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui reconnaît qu'on peut avoir un harcèlement collectif. Avant, c'était vraiment... on considérait que c'était individuel. Et que, par définition, quand c'est individuel, c'est subjectif. D'où les problèmes de preuve aussi, quand on va au contentieux. On va vous dire... Mais c'est parce que la personne est fragile. C'est parce qu'elle a un contexte d'ordre privé qui est compliqué. C'est parce que... Donc, le problème de preuve pour dire non, c'est pas simplement parce que la personne est elle-même en souffrance, qu'elle n'accepte pas un ordre qui pourrait ressortir du pouvoir de direction de l'employeur. Hein, parce que l'employeur a quand même des directives et il y a une obligation quand même dans le contrat de travail d'exercer ses missions de façon loyale et dans le respect des directives. Mais là, on dépasse, c'est-à-dire qu'il y a un abus de pouvoir et il y a véritablement... Il n'y a pas à se poser la question si la personne est fragile ou pas. Il y a simplement une constatation qu'il y a une dégradation des conditions de travail. Il n'y a pas non plus la question, ça c'est la jurisprudence qui l'a tranché, de savoir si le harceleur avait l'intention ou pas de nuire. On s'en moque. On n'a pas besoin d'aller savoir si le harceleur avait véritablement pour but de casser la personne. Non, la conséquence est que la personne est détruite moralement ou physiquement. À ce moment-là, il y a harcèlement. Oui, parce que ça peut être des relations interpersonnelles qui... interprofessionnelles aussi, qui tournent mal. Bien sûr. C'est pas forcément bien sûr, le but. Bien sûr. Enfin, quand même, la plupart du temps, c'était le but de d'écarter des personnes pour des mobiles économiques. C'était quand même le plus fréquent. Mais il y a plusieurs facettes, en fait. Et oui, c'est pour ça que c'est très pernicieux. Parce que le harcèlement, je parle du moral, surtout, puisque le harcèlement sexuel est plus facile à prouver. Enfin, plus facile. Il faut recueillir des preuves, mais je veux dire, l'identifier est plus facile. Le harcèlement moral, comme il commence par une déstabilisation et une perte de confiance de la personne, avant de se dire c'est du harcèlement moral et c'est pas moi qui ai un petit coup de blues ou un petit coup de mou, qui suis pas trop bien, même la personne, la victime, n'est pas tout de suite réactive à dire « Ah bah oui, ça c'est imparable, je suis victime de harcèlement moral ». Il faut souvent des mois, voire des années, pour que la personne se dise « Ah mais là, c'est pas moi qui suis en tort ». Parce que le but même, en tout cas, ou la conséquence même, c'est la perte de confiance. Donc elle aura déjà perdu confiance en elle avant de pouvoir se dire « Finalement, c'est pas ma faute, c'est un peu le syndrome des femmes battues ». C'est-à-dire que si je suis frappée parce que je le mérite, je suis frappée parce que, avant de se dire « Non, c'est pas normal », et voilà. Alors, c'est une... Il y a une auto-culpabilisation qui est destructrice. Fait. Une perte de confiance en soi qui fait que la personne ne parle pas, n'ose pas parler. La plupart du temps, ça arrive aussi à pourrir l'atmosphère familiale, etc. Avec le conjoint, etc. Bien sûr. On va en reparler. On en reparlera après. Alors, tu nous présentes la pause musicale. Alors la première, c'est Jean-Louis Aubert. J'ai choisi, c'est actuel, hein, c'est bien sûr, je trouve que c'est une chanson qui est assez optimiste. On va gagner, on va s'aimer. Donc aujourd'hui, on a peut-être un petit peu besoin de ça aussi, bah oui, d'optimisme. Et, moral. Et merci à Christopher qui assure bénévolement la technique de l'émission. C'est reparti en compagnie de Nancy Rizacher, donc avocate au barreau d'Épinal et docteur en droit, et on parle du harcèlement moral, du harcèlement sexuel. Hein, je crois que Nancy a voulu joindre les deux parce que finalement, souvent les procédures sont les mêmes, hein, même si le but n'est pas le même. Et la souffrance est. La souffrance est exactement la même. Alors je disais tout à l'heure tout de même que, mon expérience, j'allais dire extra-professionnelle, m'avait fait m'avait fait dire que c'était beaucoup plus souvent les femmes qui étaient maltraitées dans le monde du travail, hein, puisqu'à une permanence, on avait à peu près 75% de femmes. Alors, est-ce que, bien sûr, il y a une autre analyse à faire, est-ce que les femmes sont plus sensibles? Je ne pense pas, au contraire. Est-ce que les femmes sont plus à même d'entrer dans des démarches administratives, donc juridiques? Ça, c'est une question qui peut être posée. Puis, hein, mais le constat, c'est à peu près quand même 75% de femmes qui souffraient dans le monde du travail. Parce qu'il y a aussi... La précarité. Aussi peut-être le profil de la profession. Il y a aussi la précarité. Beaucoup de femmes sont à temps partiel. Oui, bien sûr. Ou occupent, alors c'est pas, je généralise pas, hein, mais occupent des emplois moins qualifiés, avec évidemment des supérieurs. Donc il y a aussi le profil aussi. Tu parlais des grandes surfaces. C'est sûr qu'une hôtesse de caisse, hein, comme on dit, est assujettie à véritablement du chronométrage, ne serait-ce que pour faire une pause de 3 minutes, des cadences infernales, une surveillance également permanente depuis une tour de contrôle. Pas seulement les caissières. Pas les caissières, les personnes qui mettent en rayon, avec une demande sans cesse importante, oui. Et même le personnel administratif, bien sûr. Oui, c'est dans ce harcèlement institutionnel, mais je pense que... Franchement, harcèlement moral, je pense que tout un chacun peut être victime de, que ce soit homme ou femme. Et je voulais donner des exemples pour que les auditeurs se rendent compte, parce qu'il y a des mises à l'écart, souvent. Au point de vue professionnel, tu as eu beaucoup de cas? Alors, il y a eu à un moment donné, je vais être honnête, ça devenait un peu la tarte à la crème. Hein. Il y a eu une dérive. À un moment donné, on a eu une explosion parce que la loi était passée, parce que... voilà. Donc, il faut faire attention. C'est comme tout. Il faut que le curseur soit modéré, soit au bon endroit. Il faut bien distinguer les vraies situations de harcèlement moral et les inimitiés, entre guillemets, en tout cas, les altercations qu'il peut y avoir sur le lieu de travail et qui génèrent un conflit entre pouvoir de direction son employeur. Donc, il faut rester modéré. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, mais c'est comme tout. Est-ce qu'on en parle de plus en plus? Est-ce que les langues se délient, ce qui est un bien? Ou est-ce qu'il y a de plus en plus de cas? Ça, je ne sais pas mesurer. J'en sais rien. Donc, il faut rester prudent. Mais il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de contentieux. Il faut se méfier. Il y a des cas différents. C'est-à-dire qu'il y a des... personnes qui viennent me voir en disant « je suis victime de harcèlement moral, voilà ce que j'ai collecté comme preuve, voilà ce qu'on peut faire ». Donc l'objet même de la requête prud'homale, c'est le harcèlement moral et les conséquences, bien sûr, de ce harcèlement moral. Et puis il y en a d'autres qui ont toute une litanie de reproches, elles ont pas mal de choses à revendiquer, ça va de leur supplémentaire à la prime de panier ou à je ne sais quoi, et à la fin, et puis en plus je suis harcelée. Donc là il faut aussi distinguer, c'est-à-dire que j'en discutais avec une conseillère prud'homale, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a véritablement uniquement ce point de harcèlement moral avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Il peut y avoir des conséquences financières aussi, hein, puisqu'on va parler de discrimination. Ça peut être aussi des sanctions injustifiées au niveau financier. Mais il faut vraiment identifier les différents cas. Ceux qui ajoutent en disant « en plus, je suis brimée, je suis harcelée » et ceux qui viennent vraiment pour ça. Donc c'est important. Et je pense qu'il faut savoir identifier. Alors il y a des mises à l'écart. On appelle ça des mises au placard, hein. Ça arrive aussi souvent, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous n'êtes plus invité aux réunions décisionnelles, aux réunions auxquelles vous aviez l'habitude de participer. Vous n'avez plus non plus accès à des formations. Systématiquement, on vous refuse une formation que vous seriez pourtant en droit de prétendre, à laquelle vous seriez en droit de prétendre. Vous avez aussi des moyens matériels ou humains qu'on vous donne plus, c'est-à-dire qu'il y a une restructuration du service, vous n'avez plus accès aux moyens matériels humains, ça va du téléphone portable à l'imprimante en passant par la secrétaire, donc on ne vous met plus les moyens. On vous octroie des tâches humiliantes, c'est-à-dire qu'on fait exprès d'aller vous faire faire les photocopies ou le café, alors que finalement vous devriez assister à la réunion où vous avez votre mot à dire, où c'est parfois même vous qui deviez faire un rapport. Mais non, devant tout le monde, on vous dévalorise. Il y a aussi des... Dévalorisation, je crois qu'il faut insister sur ce thème. Oui, hein, oui, parce que... cette notion. Je crois que la plupart du temps, ça commence effectivement par une dévalorisation. Oui, Alors, ça peut aller simplement de dire que votre travail n'a servi à rien, votre travail n'était pas complet, n'était pas suffisant, n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait, mais jusqu'à vous êtes nul, vous ferez rien de bon, enfin, avec une généralisation dans la dévalorisation qui peut atteindre la personne, pas que le travail, hein, ça peut dévier. C'est-à-dire qu'au départ, c'est votre travail qui est inutile et qui ne sert à rien ou qui n'est pas à la hauteur, et puis après, c'est vous qui n'êtes pas une personne à la hauteur. Donc, attention au glissement, encore une fois, respect de la personne. Donc ça, c'est important à voir. Des tâches irréalisables aussi, c'est-à-dire qu'on vous demande la veille pour le lendemain des choses qui sont techniquement, matériellement, organisationnellement irréalisables. Vous avez les ordres et les contre-ordres qui vous déstabilisent complètement. Alors, soit c'est la même personne qui vous donne des ordres et des contre-ordres, en vous disant, ben non, vous n'aviez pas compris la dernière fois, c'est pas du tout ça. Soit on joue avec d'autres personnes de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un tel a dit, il faut faire comme ça, vous acceptez la tâche qu'on vous a demandé de faire. Mais comme par hasard, une autre personne vous dit, mais non, c'est n'importe quoi, il faut faire autrement. Donc, vous êtes en conflit de loyauté ou en conflit tout court entre des ordres et des contre-ordres qui émanent de personnes différentes ou de la même personne qui n'est pas claire dans ses... Et ça contribue exactement à déstabiliser la personne parce que c'est vraiment un jeu de chat à la souris. Quoi. Bien sûr, hein, bien y a sûr. Une personne qui va dire un jour, bah, ça va, ton travail est bien, c'est tout. Et puis un autre chef qui va casser. Ah bah c'est extrêmement perturbant. Alors, y a un rôle de flicage quelquefois qui est... Alors, la personne ne réalise pas tout de suite qu'elle est dans ce système, dans cet engrenage qui va la casser. Quoi. Au départ, c'est très perturbant. Donc, il y a un questionnement de la personne qui se dit, c'est moi qui ai mal compris, c'est moi qui ai mal fait, c'est moi qui ai mal... Voilà. Et ça, effectivement, ça s'instaure tout doucement, comme je disais, de façon vraiment insidieuse et pernicieuse. Alors, tu parlais du flicage. C'est vrai qu'une surveillance inutile est tatillonne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vous demander de faire des rapports systématiquement, de rentrer votre temps à la minute, de tout calculer, de tout reporter, de tout rapporter aussi, reporter, rapporter à la hiérarchie. Ça aussi, ça devient du flicage injustifié. On trouve ça souvent chez les commerciaux. Oui, alors c'est, bien sûr, puisque le prétexte c'est de dire on doit savoir où vous n'êtes pas sédentaire, vous êtes pour les VRP par exemple, ah oui. Non sédentaire, donc on a besoin de vous tracer, on a besoin de savoir où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous rapportez comme chiffre d'affaires. Quand c'est de façon mesurée et correcte, et ça ressort du contrat de travail, il n'y a pas de souci. Mais quand ça devient véritablement une volonté de déstabiliser le commercial, en par exemple systématiquement changeant les secteurs, en donnant une liste plus importante, en donnant des secteurs géographiques ou des secteurs de l'entreprise complètement différents, quasiment d'une semaine sur l'autre. Donc, je veux dire, ça perturbe aussi, ça déstabilise. Mais ça va aussi au refus de communiquer. Ça, on a beaucoup dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a un mal-être. La réaction, c'est de dire, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce que je peux avoir un entretien avec vous? Alors, c'est soit demandé directement de vive voix, soit par téléphone, soit par mail. Systématiquement, vous avez une fin de non-recevoir ou pire, un silence. Et là, le silence, vous ne savez pas l'interpréter. Est-ce qu'il n'a pas eu le temps de me répondre? Est-ce que j'ai mal posé ma question? Est-ce que... Voilà. Donc, on réitère. Et de nouveau, on a un refus de communiquer. Ça aussi, c'est du harcèlement. Parce que, légitimement, vous êtes en droit de vous poser une question. S'il y a un problème sur votre activité, sur votre travail, sur des remarques qu'on vous a faites, vous avez le droit de dire, d'accord, on pose les choses, on en discute. Parce que bon, le dialogue dans l'entreprise, hein, on a quand même suffisamment insisté là-dessus, c'est fondamental. Donc, si on vous refuse systématiquement, encore une fois, c'est pas qu'un refus parce qu'il n'a pas eu le temps ou elle n'a pas eu le temps, mais de communiquer avec vous sur un problème donné, alors que vous en avez fait la demande, c'est du harcèlement. Il y a des remarques illégitimes ou irrespectueuses. Alors là, ça peut aller de tout, votre tenue vestimentaire, votre manière de vous comporter, votre vie privée, parce qu'il y a aussi des... C'est poreux, hein, la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Des situations où vous êtes en divorce, où vous êtes obligé de vous absenter pour enfant malade ou pour je ne sais quoi d'autre. On vous l'accorde, mais ensuite on vous le remet dans les dents en effet boomerang en disant que vous n'êtes jamais là, que vous ne servez à rien, que vous êtes voilà, qu'il va falloir choisir entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Donc c'est des brimades, ça peut être des menaces, ça peut aller jusqu'à des menaces, des stratégies de découragement aussi. Là aussi, au lieu de faire une émulation, de faire une coordination entre les uns et les autres, on isole quelqu'un et puis on fait en sorte que le découragement vienne de lui. pour alors il y a des tas de méthodes. Je pense que isoler une personne, c'est déjà la première étape, la plupart du temps, hein, puisque justement pour venir à bout d'elle, hein, c'est qu'il ait le moins possible de contact avec les collègues. Et souvent, on a assisté à un phénomène qui est celui de dévaloriser la personne vis-à-vis de ses collègues. Bien sûr. En disant c'est une mauvaise, elle n'est plus dans l'esprit de l'entreprise, il faut l'éliminer, en gros. Bien sûr. Bah et on réclame même des témoignages contre cette personne-là, oui. Hein, un peu sous la pression. C'est une technique d'emprise. À partir du moment où on isole, hein, on dit diviser pour mieux régner, mais c'est aussi une technique, alors sans être psychologue, mais c'est une technique qui existe aussi dans les phénomènes sectaires ou les violences conjugales, où on sort la personne de son contexte, on lui interdit tout contact. Et là, on lui interdit des contacts avec ses collègues, avec les clients, avec les fournisseurs, avec les tiers qui viennent dans l'entreprise. On l'isole complètement, ce qui fait que l'emprise est bien évidemment plus facile à asseoir sur une personne isolée que sur une personne qui vient d'intégrer. Ça contribue à déstabiliser la personne de manière terrible. Complètement. Parce que quelquefois on assistait au fait que les collègues n'adressaient même plus la parole à la personne. Tellement que le bruit avait couru, que c'était quelqu'un qui n'était pas fréquentable. Quoi, en gros. Comment voulez-vous avoir confiance en vous si on vous présente comme un véritable paria dans l'entreprise? C'est souvent quand même... alors, c'est pas forcément, c'est pas uniquement dans le harcèlement institutionnel, on pourrait dire. C'est un phénomène qu'on rencontre très, très souvent, justement, d'isoler la personne et surtout qu'elle ait le moins possible de contact avec ses collègues. Bien sûr. Et les collègues sont pris en porte-à-faux. Oui. Certains ne veulent pas aboutir à ça, mais c'est ce que je disais aussi, l'effet de meute, hein, c'est un peu péjoratif, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand on vous présente une personne comme incapable, comme non fiable, comme... évidemment, de vous-même, vous allez vous écarter de cette personne. Et finalement, presque inconsciemment, vous jouez le jeu du harceleur. Donc, il n'y a pas besoin de grand-chose. Des fois, l'esprit humain est tel que... Et puis la personne se sent agressée, y compris par ses collègues de travail. Ah bah bien sûr, c'est une spirale infernale. Ce qui contribue d'autant plus... on va peut-être accorder une pause musicale. Alors la pause musicale, j'ai choisi Memories de Maroon 5 parce que j'adore la base musicale du canon Henri de Pachelbel. Et puis bon, j'adore la façon que tu maîtrises l'anglais. je fais des efforts. Et donc voilà, c'est une chanson qui me touche aussi puisque c'est à la suite de la disparition d'un des leurs au niveau artistique. Et voilà, et j'aime bien la mélodie. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright. Is a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. say, everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Et voilà, c'est reparti. Un petit commentaire donc par rapport à cette pause musicale. Non, j'aime bien le mélange actuel avec la reprise de la musique classique. Voilà, c'est surtout ça qui m'a plu. C'est très harmonieux. Oui, c'est agréable à entendre. Oui, alors on était un petit peu dans la réalité des faits, hein, parce que une fois cités, bien sûr, les articles de loi, la jurisprudence qui a pu s'établir, et puis le fait que, depuis les lois qui ont été promulguées dans les années 2000, en s'appuyant aussi sur la jurisprudence intérieure, foisonnante, on assiste aussi au fait que le patron est responsable quand même, enfin, l'employeur est responsable de ses salariés, pour qu'il n'y ait pas de dégradation des conditions de travail, de sa santé. Oui, alors c'est une obligation cette notion sur laquelle un avocat, un défenseur peut s'appuyer. Bien sûr, c'est une obligation. Alors, de résultat, et maintenant on parle plutôt de moyens renforcés, parce qu'en fait, l'employeur n'est responsable que des seuls dommages qu'il est en mesure de prévenir. Donc, ce qui sera toujours sanctionné par le conseil de prud'homme ou par le tribunal, c'est l'inertie coupable. C'est-à-dire qu'il savait, il n'a rien fait. Hein, si je résume, le principe d'inertie coupable, c'est ça. Donc, l'employeur est obligé de mettre en place un certain nombre de mesures de prévention qui sont prévues par les articles 41-21-1 et 41-21-2 du Code du travail. Je ne vais pas les lire parce que vous verrez effectivement la liste est assez grande puisqu'il y a pas mal de choses. Voilà, ça existe. Et il devra à chaque fois évaluer les risques, les combattre à la source, comme on a dit, pour éviter, alors l'aléa zéro n'existe pas, éviter ou diminuer les risques de harcèlement. Alors on a des actions de prévention, des actions d'information, des actions de formation, par tout moyen. C'est-à-dire que même la petite étiquette affichée sur une porte en disant que le harcèlement est combattu et qu'il ne doit pas, exister, ça peut être un début, je dirais, d'action de l'employeur. Mais évidemment, le panel est large, mais il n'y a pas que l'employeur. C'est-à-dire que le médecin du travail, l'inspecteur du travail, le défenseur des droits ou le référent CSE, puisque maintenant on peut désigner un référent au sein du CSE, c'est l'article L2314-1 du Code du travail, qui dit que ce référent va être véritablement l'interlocuteur privilégié et on va dire. C'est souvent une personne qui est désignée et élue grâce au. Intervention de la direction, quand même. Oui, mais c'est quand même. Il va faire souvent un cadre. Ben oui, mais il va devoir faire son rôle. Alors évidemment, si on lui donne pas les moyens de faire son rôle, ça c'est autre chose. Mais ça va être l'interlocuteur privilégié aussi pour toutes ces questions de harcèlement, pour prévenir les agissements et puis après pour évidemment les éradiquer. Ce qui était réservé avant au CHSCT. Voilà, c'était l'émission du CHSCT. On s'est déporté sur une structure qui est le. Le CSE. C'est le CSE, qui est l'ancien comité d'entreprise. C'est ça. Avec un rôle fondamental, y compris sur les conditions de travail. Mais est-ce qu'il n'y a pas confusion des rôles ? justement. Moi, je pense qu'à partir du moment où on parle, parce qu'on parle beaucoup des risques psychosociaux, hein, ça, c'est un petit peu aussi, on a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de... Les grosses entreprises font appel à des cabinets d'expertise et de conseils extérieurs, justement, pour rendre des rapports sur les risques psychosociaux. Donc, c'est englobé dans cette dynamique-là de diminuer les risques. Maintenant, c'est sûr que le CSE a un rôle quand même important. S'il n'y a pas de CSE dans l'entreprise, hein, parce que toutes les entreprises n'ont pas de CSE, à ce moment-là, pourquoi pas désigner un salarié qui serait un petit peu le porte-parole, le référent, et puis la personne, l'interlocuteur privilégié pour toutes ces questions-là, parce que déjà, il pourrait se sensibiliser, se former, et puis répondre aux interrogations. Je pense que c'est important d'avoir quand même quelqu'un qui... Il y a bien un référent informatique, hein, l'ancien CIL, maintenant c'est le DPO, et pourquoi pas en matière de... Dans la réalité quotidienne, il est vrai que la plupart du temps, la personne qui est isolée, hein, je parle, et puis qui souvent a déjà subi, parce que contrairement peut-être à ce qui se passe dans un cabinet d'avocats, qui bien sûr les personnes qui ont entrepris une démarche vers un cabinet d'avocats est différente de celle qui venait par exemple à une permanence juridique syndicale, c'est-à-dire des personnes souvent qui connaissaient pas du tout les lois, hein, et qui était dans un état quand même de délabrement mental, on pourrait dire, hein, faut appuyer ce mot-là, qui était très avancé, hein, c'est-à-dire qu'il avait déjà été obligé de consulter le médecin, etc. Bien sûr. Est-ce qu'on peut pas conseiller quand même à ces personnes-là justement d'aller voir le médecin du travail? Ah bah bien sûr. Parce que l'inspection du travail, la plupart du temps, n'agit pas. Hein. Mais le problème, c'est que devant un conseil de prud'homme, c'est les premières questions qu'on va nous poser. Voilà. Qui avez-vous alerté? Parce qu'il faut une preuve objective aussi. Hein. Il faut aussi pouvoir monter le dossier, comme on dit, avoir des éléments, étayer le dossier. Alors, donc, la plupart du temps, c'est le médecin traitant, justement, qui disait à la personne, parce que le médecin traitant voyait bien la personne se dégrader. Bien sûr. Hein, se dégrader. Et puis la seule solution, c'est de prescrire des anxiolytiques qui va planter encore un peu plus la personne, puisqu'on sait très bien que si elle reprend le boulot avec des anxiolytiques, il y a déjà le problème des trajets en automobile, avec un véhicule quelconque d'ailleurs. Et puis la deuxième chose, bien sûr, le risque de trou de mémoire, de confusion qui va faire que... Oui, alors après, le domaine médical, moi, je ne suis pas compétente pour en parler, mais c'est vrai que moi, ce que je conseille aux personnes, c'est d'alerter tous azimuts, que ce soit, bien sûr, la hiérarchie, l'employeur, après, voilà, le médecin du travail, l'inspection du travail, même le défenseur des droits, enfin, venir voir un conseiller juridique ou un avocat, alerter le CSE s'il y en a un, le référent, enfin... Le but, c'est de ne pas rester dans le silence. Parce que rester dans le silence et dans l'enfermement et dans le repli sur soi, c'est pire. Ça contribue encore au malaise. Essayer de mettre noir sur blanc le ressenti. Exactement. Hein, parce que le conseil de sombrer dans une phase de confusion qui risque de faire que la personne... Elle lâche complètement les amarres. Elle lâche au sens aussi où elle démissionne, en se disant ça va plus, je suis plus apte, c'est moi. Donc c'est de l'auto, enfermement, et du coup c'est pire que tout, parce que là c'est sans bruit, sans rien, sauf que la personne a perdu son emploi, a perdu sa confiance en elle, a perdu sa santé morale et physique, et c'est une catastrophe. Donc déjà la parole, mais ça tous les psychologues le diront, hein, mettre des mots sur les mots, hein, comme ils disent en général, MOTS et MAUX, c'est important, parce que nous ça nous permet, mais aussi avocat, ensuite de mettre, comme tu disais, noir sur blanc les éléments de preuve, les justificatifs, monter le dossier et pouvoir avoir gain de cause au prud'homme. Parce que de toute façon... La Ligue des droits de l'homme disait « écrivez tout ». Oui, bah c'est important. Écrivez tout, hein, faut que c'est la personne s'astreigne à écrire, même si elle est maladroite dans son écriture, dans son expression, écrire. Oui, faut écrire surtout, et puis ça permet aussi de faire quelque part un peu le deuil de la culpabilité qu'on pourrait ressentir vis-à-vis d'une situation comme ça, quoi. Oui, et puis le tri aussi. Le deuil de la perte de l'emploi aussi. Le tri sur ce qui est... Il faut hiérarchiser aussi les choses, parce qu'il arrive un moment où on est aussi pris dans un engrenage où tout devient... La personne est sensibilisée, tout devient important. Donc il faut aussi hiérarchiser. Et saisir le conseil de prud'homme. Voilà. Alors, voilà. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. On n'a pas beaucoup parlé du harcèlement sexuel. Mais le harcèlement sexuel, je crois que les femmes, puisque c'est surtout les femmes qui en sont victimes, oui, bien sûr, oui. À 90 ou 99%, je ne sais pas trop. Oui. Je crois que là, c'est plus facile quand même à discerner. Puis je crois que les moyens sont plus importants. Hein, parce que quand tu parlais tout à l'heure du pénal, je ne me fais pas d'illusions. Hein, le procureur qui est saisi d'une plainte pour harcèlement moral va faire enquêter par la police ou la gendarmerie. Et puis la plupart du temps, l'enquête va aboutir au fait qu'il n'y a rien. Quoi. Je caricaturerai pas comme ça. Non, parce que ah ben les moi, je, plus graves sont quand même poursuivis. Pour avoir eu des dizaines d'expériences à la matière, c'est clair, c'est net. Peut-être ça change un peu quand même. Ah, parce que c'est vrai qu'il y a quand même l'influence d'une personnalité, par exemple, qui dirige une entreprise, hein, qui est quelquefois aussi un élu, et puis qui va amadouer bien sûr les forces de gendarmerie, de police localement. Là, c'est quand la politique gangrène le juridique, ça c'est jamais bon. Donc ça, on est d'accord. Non, ça c'est sûr. Non, moi, la politique, oui, pas forcément la politique. Hein, ça peut être simplement des rapports de force entre un employeur qui a quand même un poids économique important dans un secteur, et puis tous les acteurs de terrain. À côté. Oui. Alors, tu parlais des femmes. Moi, j'avais juste un sondage. C'était un sondage IFOP de février 2018. Je n'ai pas trouvé plus récent. Peut-être qu'il faudrait chercher. Une femme sur trois a été confrontée un jour à une situation de harcèlement sexuel au travail. Hein, oui. Je parle du travail. Donc, un tiers, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Et c'est vrai que les exemples rapidement de harcèlement sexuel, ça peut être des propos, des comportements à connotation sexuelle. Ça peut aller jusqu'à des actes d'exhibition. Hein, ça, c'est une exhibition sexuelle. Des propositions plus ou moins voilées de relations sexuelles, des questionnements intimes, des attouchements, des contacts physiques imposés, des gestes obscènes. Alors là aussi, entre la personne qui est un peu, comme on dit, le gros lourd qui fait des vannes sexuelles et celui qui véritablement harcèle, parfois la frontière, il faut faire attention, il faut être vigilant. Parce que c'est le fait qu'une personne, notamment une femme, là, en l'occurrence, se sente agressée, peu importe qu'il n'ait pas voulu choquer. Si la personne est choquée, là, à ce moment-là, il faut se poser des questions et mettre en œuvre des moyens pour éradiquer ce comportement qui est inapproprié de toute façon. Voilà, alors, il y a des tas d'acteurs qui sont au centre de tout ça. Hein. Il y a bien sûr le médecin du travail, il y a aussi l'avocat. On peut servir donc, aussi. Il arrive un moment donné, je pense qu'il faut conseiller aux personnes dans ces cas-là de consulter un avocat pour réussir à s'en sortir. Hein. Oui, c'est important. C'est important. Voilà, merci Nancy. Merci Michel, merci Christopher. Et puis rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle. Déjà mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous, en sachant que ça sera un magazine santé, hein, comme d'habitude. Et puis le mois prochain avec Nancy. Oui, avec grand plaisir. À bientôt.